Émission de Web Musique. C'est Simon Roy qui est en votre compagnie. On va passer la prochaine heure ensemble. J'ai de la bonne musique cette semaine. Première demi-heure consacrée à du hip-hop, mais instrumental. Ensuite de ça, pour la deuxième demi-heure, un peu de dub à saveur techno. Donc, une émission assez intéressante. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement toutes les pièces entendues à l'émission. Vous vous rendez au www.webmusique.ca. C'est la page de l'émission. Vous retrouvez les playlists des émissions passées et vous avez les liens vers les artistes. Donc, vous avez tout ce qu'il vous faut pour télécharger les pièces. Cette semaine, on va débuter avec un artiste du nom de Transient. Je vous fais passer sa pièce « Woodsy Bike Ride ». C'est publié sur Miasma Recordings. Un excellent netlabel qui ont pas mal de matériel, donc je vous invite à visiter Miasma, ça vaut vraiment la peine. Ensuite de ça, tout de suite après, publié sur Trorg, c'est un netlabel qui nous vient des Pays-Bas. C'est une division du vénérable WM Recordings, donc je vais vous faire passer l'artiste russe D-Jet. Sa pièce s'appelle Neo Infection. Donc ben, c'est ça, on débute Web Music avec Transient. bonne chance. C'était l'artiste russe D-Jet avec sa pièce Neo Infection. C'était publié sur Trorg, donc un net label qui vient des Pays-Bas. Ensuite de ça, ben, on va se diriger sur le net label de Dystopiac. L'artiste s'appelle Rosie and Mixtor. Donc, je vous fais entendre la pièce Midnight India. Ensuite de ça, sur Dusted Wax Kingdom, un excellent net label qui nous vient de la ville de Varna, en Bulgarie. C'est Ewan Ouzami. Je vous fais entendre sa pièce Level. Donc, pour tout de suite, Rosie and Mixtor. Thank you. Violin test level. Level, the bass drum test. Level, the bass drum test. Level, the bass drum test. Level, the bass drum test. De l'Angleterre, c'était Ewan Ouzami avec sa pièce Level. C'était publié sur Dust Wax Kingdom. Avant ça, c'était Rosie and Mixtour, donc avec leur pièce Midnight India. Ça, c'était publié sur Dystopiac. On va poursuivre avec un collectif espagnol. Je ne commencerai pas à vous nommer tous les membres. C'est un gros collectif qui font un peu de musique hip-hop tendance, donc musique espagnole traditionnelle. Il s'agit de Granada d'Oaba. Je vous fais passer la pièce Juxta Potente. Thank you. Avant, j'étais pas bien. Pas bien avec moi, pas bien avec personne. Avant, je me faisais peur. Mais c'était avant. Avant, quand j'étais toxicomane. Quand la toxicomanie prend toute la place, il y a portage. Au Québec, des milliers de personnes sont toxicomanes. Aidez-les à s'en sortir. Donnez à portage. Visitez portage.ca. Maintenant, je suis bien. Vraiment bien. Maintenant, je suis fier de moi. Maintenant, je vis. Donnez à portage. Merci. Rock Garage et Freak Beats. Réaction psychotique avec Tania Bellacas et Jean-Sébastien Grondin. Le lundi 20h à CKRL. Du lundi au vendredi de 9h à 11h30, écoutez l'émission Univers francophone. 2h30 de chansons et de poésie pour guider vos avant-midi d'été. La francophilie, seulement en 89.1. Cette émission vous est présentée par la Boîte à pain. La Boîte à pain Café Napoli, 396 3e Avenue et 289 Saint-Joseph-Est, 88-647-3666 ou le 88-977-7571. Boîteapain.com. Vous êtes toujours à Web Musique en compagnie de Simon Roy. Donc, avant la pause, on entendait un collectif espagnol du nom de Granada Daoba. Donc, c'est des artistes qui viennent un petit peu partout sur la planète, donc, mais qui sont concentrés en Espagne. Donc, ils ont fait un projet vraiment intéressant. C'est publié sur Knowledge Records. Donc, on pourrait dire un net label qui a été créé pour le projet. C'était la pièce Juxtapotente. Donc, là, on va poursuivre l'émission, c'est-à-dire avec un peu de dub à saveur techno. Donc, musique assez planante, des pièces quand même assez longues. On va débuter avec un Italien du nom de Gennaro Molino. Je fais passer sa pièce Crater. C'est publié sur Deep in Dub, un excellent net label italien qui se spécialise donc dans le dub. À saveur techno, surtout, ils ont vraiment beaucoup d'albums de disponibles. Je vous invite à aller faire un tour sur Deep in Dub. Si vous aimez le dub, c'est pas mal la ressource dans le monde du net audio. C'est sur Deep in Dub que ça se passe. Ensuite de ça, de la Pologne sur le net label Kunabu, le net label polonais Kunabu. Donc, c'est l'artiste russe Plotka. Je vous fais passer sa pièce Luna Nad Nami. On écoute tout de suite. Gennaro Molino. Thank you. De la Russie, c'était Plotka qui nous offrait sa pièce Luna Nad Nami. C'était publié sur le netlabel Kunabu. C'est un netlabel qui nous vient de la Pologne. Avant ça, de l'Italie, c'était Gennaro Molino avec sa pièce Crater. C'était publié sur Deep in Dub. On va poursuivre Web Music avec un artiste qui vient de la Lituanie. Il s'agit de Zulu Sas. Je vous fais passer la pièce Yoy. C'est publié sur Nobs Netlabel, un netlabel qui nous vient de la ville de Vilnius en Lituanie. Musique extrêmement planante par le Lituanien Zulu Sass. C'était sa pièce Yoy. C'était publié sur le net label Nobs. Ça va déjà être tout pour Web Music. On va se quitter sur une dernière pièce de l'Italien Para. Je fais passer sa pièce Minimalismi. C'est publié sur A Quiet Bump, un net label qui est basé à Irpina en Italie. Donc, c'est ça. On se laisse là-dessus. Puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Web Music. Bonne nuit.